la la la la la la la la la la la la. À quoi que je suis en train d'avoir un look hardcore, de voir sans arrêt expliquer pourquoi mon visage est perçu. Comment parvenir à leur faire comprendre que tout ça a plus de valeur qu'un bout de peau entre les jambes. Allez, casse pas la tête, sinon je te fais ta peine. Pas le cul de justifié à cause des gens trop tombés. Et si je mords la crête, tant mieux si ça t'embête. Que d'abord quelle fierté, j'suis bloqué passionné. Moi c'est tout ce qui m'intéresse, j'me documente sans cesse. La cop tous ces trous du cul, quand comme référence musicale et bien chouler les rues. Excuse-moi de me renseigner, c'est l'histoire du mouvement. Quand on est punk et passionné, on est à 100%. Allez, casse pas la tête, sinon je te fais ta peine. Râle que de justifier à cause des gens trop donnés. Et si je porte la crête, tant mieux si ça t'embête. Ne t'apporte qu'à liberté, j'suis punk et passionné. J'suis bien trop attaché à tout ça pour que je me mette à baisser les bras. Si ça serait qu'un truc à la con, ça fait longtemps que vous auriez raison. C'est pas que je sois borné, je fais juste une mort sur moi-même. Mais y'a rien à déclarer, car le punk c'est tout ce que j'aime. Assez casse pas la tête, sinon je te fais ta peine. Racule ma justifiée à cause des gens trop dormés. Et si je porte la crête, tant mieux si ça t'emmène. Et n'importe quelle fierté, j'suis bloqué passionné. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Assez casse pas la tête, sinon je te fais ta peine. Racule me justifier à cause des gens trop donnés. Et si je porte la crête, tant mieux si ça t'embête. Mieux que n'importe quelle fierté, j'suis bugué passionné.